myself, grew up on Long Island. So she packs her bags to try her hand, says this might be my last chance. She's gone country, look at them boots. She's gone country, back to her roots. She's gone country, a new kind of suit. She's gone country, here she comes. Well, the folk seems dead, but he's holding out in the village. He's been writing songs, speaking out against wealth and privilege. He says, I don't believe in money, but a man can make him a killing. 'Cause some of that stuff don't sound much different than Dylan. I hear down there, it's changed, you see. They're not as backward as they used to be. He's gone country, look at them boots. He's gone country, back to his roots. He's gone country, a new kind of suit. He's gone country, yeah, he comes. To L.A., but he's got a house in the valley. But the bills are piling up, and the pop scene just ain't on the rally. And he says, honey, I'm a serious composer, schooled in voice and composition. But with the crime and the smog these days, this ain't no place for children. Lord, it sounds so easy, it shouldn't take long. Be back in the money in no time at all. He's gone country, look at them boots. He's gone country, back to his roots. He's gone country, a new kind of suit. He's gone country, yeah, he comes. Yeah, he's gone country, a new kind of walk. He's gone country, a new kind of talk. He's gone country, look at them boots. He's gone country, oh, back to his roots. He's gone country, he's gone country. Everybody's gone country. Come and look out through the window. That big old moon is shining down. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us. We go slipping out of town. And we love beneath the moonlight on a blanket on the ground. I'll get the blanket. Run. arc-en-ciel. Thank you.

Voilà, après Tokyo, et puis on va rester avec d'autres chansons différentes et on va faire un petit tour avec Jérusalem et puis juste après Marie, et puis toujours pour Véro. Jerusalem,

j'apprends les choses avec le temps. Barré collé, donc laisse-moi. moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi prier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Que exprimer mon amour, je vais juste t'aimer, t'aimer. Celle-là. soleil, les jours de pluie, les métros et les taxis, toutes les rues de la galaxie, je les déteste. Les gens qui se croient tout permis, mon petit cœur un peu terni, le dimanche et le samedi, je les déteste aussi. Même celle devant le miroir, je me regarde, je peux pas me voir, et je compte les jours qu'il me reste, je les déteste. Alors dis-moi pourquoi je t'aime, toi. C'est toi et pas une autre. Remettre au lendemain, l'hôtel greffé à la main, voir passer le dernier train, échouer avec entrain, ça je déteste. Les vilupés en été, ma propre immaturité, la loi de la majorité, et les gens trop indécis, ça je déteste aussi. Soit je suis dans une tour d'ivoire, soit ce monde est illusoire, le monde en tout cas ce qu'il en reste, je le déteste. Alors dis-moi pourquoi je t'aime, toi. C'est toi et pas une autre. Voici donc deux titres reggae, puis juste après le pop rock. Au fond de l'entonnoir, je vais m'enfuir.

left mama bleeding in the street, waving fist angrily. arc-en-ciel. Donc, je vous laisse avec le disco. Standing knees. But the ladies beg, don't you try.

My life. Le temps d'un instant. rouge se met sur mon cœur plein ombre de moi. Je suis le cauchemar de tes plus beaux rêves. Trop peu de toi. Je cache ton sommeil, je suis sur ton oreille. Entends tu le vent. J'entends que dalle si je te veux, je t'aurai. Mon être qui se fend. Ton ciel est coloré, j'en suis heureux. Tu m'attends tard comme une hippie. Au-dessus des lois, je passe te voir vers minuit pile. Impatient, tu vérifies ton téléphone au bout du fil. Ta vie est nage, je suis héros dans ce que tu filmes. Tu l'as sniffé, tu l'as kiffé. Ses mains sur tes hanches, ton nez dans sa blanche, il s'est empiffré. Tout est à tes frais, chacun sa branche, et de quoi te livrer. Enfance difficile, bébé, reprends-toi. Tiens, sniff et t'oublier à l'écoute. Tu manques d'amour, de confiance en toi. Tiens, sniff et toi à des couilles. Tu transpires tes speeds, personne n'était prêt. Tout le monde était ill, personne ne t'a vu. Respire un peu, tu souris, c'est pire. Tu vomis ce soir, c'est toi qui abuses. Demain tu m'évites, mais je reviendrai vite. Je reviendrai vite pour tuer ta vie. Tu lis devant eux, t'es accro devant moi. Je sais qu'à mon avis, c'est si dur à vivre. Donc laisse pas tes yeux leur dire à haute voix. À quel point tu m'aimes? À quel point sans moi ta vie est claquée? Dans tous les domaines. Trop peu de toi. Qui te relèvera par moi? Souvenir d'un printemps. À part moi. Mon amour il existe. Crible-moi de chair. Faire cet effet là, ah ouais, et seul à connaître tes faiblesses. Je serai là tant que ton oseille est là. Tu me vois comme un signe de noblesse, ah ouais. Je suis plus un des signes de faiblesse. Je suis dans ton cœur depuis bien longtemps. Je suis plus dans ton nez. Je suis dans ton cœur depuis bien longtemps. Je suis plus dans ton nez. Je suis dans ton cœur depuis bien longtemps. Je suis plus dans ton nez. Ton cœur depuis bien longtemps, je suis plus dans ton nez. Printemps blanc, un printemps, un printemps, un printemps. Arc-en-ciel. Puis on va changer de style de chanson, on va faire un petit tour du côté de l'Afrique avec l'Afrique Congo. Manamba, Jarabi na lingio, Jarabi je t'aime. n'avais qu'assurance d'être heureux. Oui, le bonheur et la grâce ne comptent pas tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce ne comptent pas tous les jours. Il a promis de tout changer et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini, il a encore des choses à faire. Il a promis de tout changer et je suis en train de le voir. Papa m'a dit c'est pas fini. Una chesa, popoli, popoli, popoli, popoli. sacanan malembe, malembe, malembe, malembe, malembe. Luqueto sacanan malembe, malembe, malembe, malembe, malembe. Tanzania sacanan malembe, malembe, malembe, malembe, malembe. Sacana malembe, ay, sacana malembe. Taxi, chunga luqueto mafioti. Uwam chumba, una boboka. Umba, una boboka. Mamam chumba, una boboka. Onam chumba, una boboka. Kukitaka kubomoka. Gave me the blues. Ciel.

Même le vent des grands marais ne lui résiste, ni les passions démesurées qu'elle suscite. Il fait comme il veut, puissant comme un dieu. L'amour, artiste, il fait l'acteur avec mourir, metteur en scène. Souvenir qui se guérisse et qui ressort. On est sur sa liste, nos cœurs sont en liste. L'amour, artiste, l'amour, artiste, je t'aime, je t'aime. L'amour, artiste, c'est dans tes larmes que existe, et le soleil qui peut brûler la peau du monde ne brille autant que son talent quand il se donne. Il fait comme il veut, puissant comme un dieu. L'amour, artiste. Voilà, donc bien, je vous laisse avec du jazz. Arc-en-ciel. We'll be right back. Balobi mwasi kitoko abibi na lingwa lai. Bazali koela ye lokola coupe du monde. Ezamie aningisi mboka o. Suki eko kitana moto tina mapeka o. Leki ya mami watazami na lulio. Ote abasi banso e. Zamie, balobio baby si quartier et pa yo vanda kai. Ba voiture e kole kale kamine le na ba hindo. E zamie balobi tangole kakai. Matite pou mwa kaloko la mo pepe akaina o. Miswe kongenga loko la sanza ya likolo. Ma belle zamie, ma belle zamie. Zami, zami, zami, na lulio, bonte abasi basoe. Je t'adore, zami. Kwa bimina lingwa lae Bazali koe lae loko la coupe du monde Ezamie aningisi mboka o Suki eko kitana moto tina mabekai Leki ya mami watazami na lulio Bonte ya basi bansoe Zamie Zamie Balobio baby si quartier et pa yo vandakao. Ma voiture est collée calé kamindele na baindoe. Ezamie balobi tangole kakae. Ma titie pou mwa kaloko la mo pepe ya kainao. Mise kongenga loko la sanza ya likolo. Ma belle zamie, ma belle zamie. Zami, zami, zami na lulio. Onte abasi bansoe. Nazali pe moto na linga kaloko la baninga nyonso Litsumu yango ya kolinga eko mama na buku nini yo Bolo belangai, bongo na senga tubela o Zami bolinga ikanginga ipe maho, mwae nini Na lobela yondi izamie, na baby awa Oh, oh, oh, Zamie. Bolingo e kanyinga mi solo kola na belinde potio na diao. Kitoko eluta yo mingi balobi obota makaka yo moko. Nalibumu ya mama. Oh, oh, oh, Zamie. Zami bolingo e kanyinga imiso na londende. Oh, oh, oh, Zamie. Zami a solo a ebi kobota mwana o Matiti na zoto loko na leopar a ebi kobota mwana o Alo poso ya nina o Oh oh oh zanie Sindo tune langa izanie Sindo bengele langa izanie Sandi bengele langa izanie Na baby awa Oh oh oh zanie Bolingo ya kubamba soki eko mi makasi eningi saka mboka o. Bine mina bamba na zani bako luka kaka baboto la yoe. Na bato ya mbongo. Oh, oh, oh zani ye. Sindo tunela langa izani ye. Sandi bengele langa izani ye. zani zani na kati ya Panama ye, a baby awa, oh oh oh zani ye. Et je vous laisse avec la fuite de Pan. et qui vient tout flamber, tout brûler pour m'emmener loin. Et le feu dans ma tête te recourbe et t'inquiète. C'est un long feu d'été. Tu voudrais tout éteindre sur les cendres dansées. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Tu voudrais retenir les larmes et mon brasier. Et loin du danger, et loin du danger. Tu voudrais revenir en arrière à hier, à l'oreille tout me dire, me chuchoter les mots qui réparent, qui éteignent les feux que j'ai derrière les yeux. Tu voudrais tout éteindre sur les cendres dansées. Tu voudrais toutes tes craintes, quitte à mourir brûlée. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier, et loin du danger. Tu voudrais tout éteindre sur les cendres dansées. Tu voudrais toutes tes craintes, quitte à mourir brûlée. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier, et loin. Quand il brûle, il s'entête à me recommencer. Et le feu dans ma tête te recourbe et t'inquiète. C'est un long feu d'été. Tu voudrais tout éteindre sur les cendres dansées. Tu voudrais tout étreindre, quitte à mourir brûlé. Tu voudrais retenir mes larmes et mon brasier. lonely, you have a name dear. For that Mona Lisa strangeness in your smile. Well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this a way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? You're stuck cold and lonely, lovely. A girl whose beauty stains her lovers. Many dreams have been brought to her, but they all come down. But what does she want? Nobody knows. Well, Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. Just like the lady with the mystic smile. Is it only, are you lonely? They have a name, you. For that Mona Lisa strangeness in your smile. Well, do you smile to tempt the lover, Mona Lisa? Or is this the way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Are you stuck cold and lonely, lovely? Just a cold and lonely, lovely work of art. Or just a cold and lonely, lovely work of art. Et puis on reste avec le soul et puis juste après le country. Something's telling me it's time for me.